Mais, vers 11 heures, après le débarquement, les vapeurs se condensèrent en pluie violente. Wilson découvrit fort à propos une grotte creusée par la mer dans les roches basaltiques du rivage. Les voyageurs s'y réfugièrent avec armes et provisions. Les heures se passèrent sans amener une bonification dans l'état du ciel. Un retard de 12 heures ne pouvait préjudicier à l'expédition si les indigènes n'arrivaient pas. La population maori a été bien réduite depuis un siècle, dit le géographe. En 1769, Cook l'estimait à 400 000 habitants. En 1845, le recensement l'a baissé à 109 000. Les massacres civilisateurs, les maladies et l'eau de feu l'ont décimé.